Alors bonjour tout le monde, c'est Luc du podcast Auto. Alors aujourd'hui, dans le cadre des chroniques que je fais avec Jean-Benoît Gagné au CILE-MF de Havre-Saint-Pierre les jeudis matins, je vous présente deux chroniques, la chronique numéro 7 et la chronique numéro 8. Dans la première chronique, qui est la chronique numéro 7, on parle du Ford Escape 2013. Par contre, chose qui est pas plate, c'est jaser avec l'ami Luc Desormeaux. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. Hey, la météo est vraiment pas sympathique ce matin. J'espère que toi, ça a bien été de ton côté avec ton essai routier. Ben c'est pas super, la température est pas super belle, mais à date, on a beaucoup de nuages, une petite affaire de pluie, là. Puis aujourd'hui, j'espère qu'il va faire beau parce que c'est mon tournage vidéo pour l'essai routier, fait que j'espère au moins qu'il va faire beau pour l'avant-midi. Tu as mis la main cette semaine à un nouveau véhicule de chez Ford après la Mustang. Voilà que tu as tenté de tester à fond l'Escape 2013. C'est ça, puis ce qui tombe bien, c'est que personnellement, j'ai un Escape 2010, fait que j'ai un Escape de l'ancien modèle, fait que je suis capable de comparer le comportement puis comment que la voiture est selon le mien puis le nouveau. L'Escape 2013, c'est vraiment Ford a reparti à zéro, fait qu'ils ont tassé ce qu'ils avaient fait avec l'ancien Escape puis ont recommencé vraiment à neuf. Ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que dans l'Escape avant, c'était aussi le Mazda Tribute, c'était exactement le même camion. Donc Mazda et Ford travaillaient ensemble, mais c'est pas mal Ford qui montait le camion pour Mazda. Puis c'était vendu sous le nom du Tribute chez Mazda. Maintenant, Mazda a son CX-5 qui font eux autres mêmes, puis Ford a le nouvel Escape qui font tout seul de leur côté. Donc c'est deux produits totalement séparés maintenant. C'est drôle que tu parles de camion en parlant de ce véhicule-là, parce que la nouvelle modélisation qu'on en fait, on dirait qu'on va aller chercher un design qui est plus voiture. C'est ça, ouais, c'est ça. Si on regarde les lignes, ça ressemble beaucoup à la ligne de la nouvelle Ford Focus. Fait qu'ils ont pris comme la Focus, ils l'ont gonflé un peu pour y donner un look de VUS. Ça plaît pas à tout le monde. J'ai du monde qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup le look camion de l'ancien modèle. Ils trouvaient que ça faisait plus dur, ça faisait plus comme si c'était un camion pour aller faire du hors-route, même si l'Escape est pas fait pour aller faire du hors-route. Le nouveau, c'est plus civilisé, c'est un look plus récent. Donc on aime ou on n'aime pas. Ils ont changé beaucoup de choses aussi. Ils ont totalement tassé l'ancien V6 qui était disponible dans l'Escape, qui était vraiment pas économique d'essence. C'était assez gourmand pour un moteur V6. Maintenant, on a juste le droit à des 4 cylindres. Il y a un petit 4 cylindres régulier, puis il y a deux 4 cylindres turbo. La belle amélioration qu'ils ont faite, par exemple, c'est qu'au moins maintenant, on a des freins à disque aux 4 roues. Avant, moi, sur le mien, j'ai des disques à l'avant, des tambours à l'arrière. C'est un peu passé date, et les tambours, même s'il y a encore des voitures qui ont ça, là. Mais c'est un bel ajout pour le nouveau modèle 2013. On parle donc d'une motorisation qui est moins puissante. Le véhicule est tout aussi lourd, donc on doit s'attendre à des performances quand on pèse sur le champignon, que ça soit un peu moins réactif. Ben, un peu moins, mais si on regarde le 4 cylindres de base, là, c'est le même 4 cylindres qu'il y a dans l'Escape que moi j'ai. Moi, j'ai pris un Escape 4 cylindres parce que je savais que le 6 cylindres n'était pas vraiment un moteur économique d'essence. Donc, le moteur de base, si vous achetez le modèle de base de l'Escape, c'est le même 4 cylindres 2.5 litres qu'il y avait dans l'ancien modèle. Il y a quand même une cote de consommation pas si pire, là. On a une cote de 9.5 litres au 100 en ville, puis 6.3 litres au 100 sur la route. Donc c'est quand même pas si pire. Sinon, si on monte dans les modèles un peu plus chers, on a le 4 cylindres 1.6 litres turbo, c'est 173 chevaux. C'est ça que j'ai dans le modèle d'essai présentement. Je dirais que c'est pas une bombe, là. C'est vraiment, faut calculer ses dépassements. Si on décide de dépasser un auto sur l'autoroute, faut le calculer d'avance. On peut pas juste dire je dépasse là, puis advienne que pourra. C'est pas un moteur qui est super puissant, mais il est fait pour l'économie d'essence. Le 4 cylindres 1.6 litres EcoBoost, le moteur turbo, a été créé pour essayer d'économiser de l'essence. Puis c'est le moteur qu'on retrouve aussi dans la nouvelle Fusion. Fait que c'est un moteur qu'on va retrouver dans plusieurs modèles chez Ford. Lui, sa cote de consommation, c'est de 9.1 litres au 100 km en ville, puis 6 litres au 100 km sur l'autoroute. C'est quand même bien. J'ai fait un petit voyage Saint-Otique-Gatineau hier parce que mes beaux-parents voulaient aller se promener. Donc, on est allé jusqu'à Gatineau. Puis j'ai une moyenne combinée de 8.8 litres au 100. Donc, là, je parle d'autoroute, de ville, de routes de campagne, puis ben on est au Québec, fait que de construction aussi. Donc 8.8 litres au 100 km, je trouve que c'est quand même raisonnable pour un camion de cette grosseur-là. Puis de ce poids-là aussi. Là. Donc, ça a bien du sens. On est capable d'avoir différents modèles, en fait, 6 en tout. On passe de 23 000 et quelques poussières dollars à presque 40 000. Donc, il y a différentes motorisations, différentes options qu'il y a moyen d'avoir là-dedans. Oui, tu sais, le modèle que Ford m'a prêté cette semaine, c'est pas le modèle Titanium. Le Titanium, c'est vraiment... le top stop là avec toutes les gadgets possibles et imaginables. Dans celui qu'ils m'ont prêté, comme je disais, j'ai le 4 cylindres 1.6 litres turbo de 173 chevaux. J'ai un toit ouvrant panoramique qui donne vraiment un look totalement différent au camion. Puis à l'intérieur, c'est clair, c'est super beau. J'ai la navigation, j'ai le système My4Touch avec le Sync. J'ai utilisé le GPS hier pour aller jusqu'à Gatineau. Ça va très bien. Faut juste dire, si vous avez l'intention d'acheter un produit Ford, si vous aimez la technologie, le système My4Touch, c'est vraiment un must. Il va falloir vous asseoir un peu avec le livre d'instruction pour apprendre les commandes vocales et comment tout fonctionne. Mais un coup, vous maîtrisez comment ça fonctionne. C'est vraiment merveilleux la manière que ça interagit. Vous pouvez tout donner par commande vocale. Vous pouvez appeler un numéro de téléphone puis juste dire « composer ». Dire le numéro de téléphone, elle va confirmer si c'est ça que vous voulez. Vous y redites « composer » puis elle va appeler. Puis c'est bien rare qu'elle se trompe dans les chiffres qu'on lui donne. Donc c'est très précis, c'est vraiment bien. Puis le modèle que j'ai aussi, la chose que ma femme a adoré, c'est qu'il y a la climatisation à double zone. Ça veut dire que ça peut être le désert du Sahara de son côté et puis l'Alaska de mon côté. On peut tempérer chaque côté, côté conducteur, côté passager différemment. Ça peut chauffer d'un bord, ça peut climatiser de l'autre ou n'importe quelle combinaison. Fait que ça aussi, c'est une belle addition. Moi, je l'ai, ça, cette option-là. Ça s'appelle mon hoodie que je passe à ma blonde. Donc, voilà pour ton test. T'en as pensé quoi au final du véhicule? Est-ce que c'est une belle amélioration? Est-ce que tu es content d'avoir mis la main là-dessus pour le tester? Et est-ce que tu es satisfait de ce qu'offre Ford pour son Escape 2013? C'est vraiment Ford a pris une chance parce qu'ils sont partis d'un look vraiment camion à quelque chose de plus qui ressemble plus à ce que les autres offrent présentement là. Si on regarde le Hyundai Tucson, le Tucson ou si on regarde le Kia Sportage, c'est vraiment plus avec des courbes, plus des lignes plus profilées. Donc ils sont allés vers ce look là, c'est vraiment bien comme je te dis, c'est pas tout le monde qui va aimer. La grosse amélioration c'est l'intérieur. On se sent plus dans un auto ou même un camion de luxe. Qu'on se sent dans un camion comme dans le mien, c'était vraiment camion. C'était carré partout, carré à l'extérieur, carré à l'intérieur. C'était pas vraiment subtil. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fini. Je pense qu'ils ont un bon produit. Ils ont probablement des chances de compétitionner très fortement pour le VUS de l'année s'ils ne gagnent pas. Mais en tout cas, ils vont être dans la compétition, c'est sûr et certain. Ils ont un très bon produit entre les mains. Il faut juste que les gens apprennent à aimer les lignes extérieures parce que c'est pas quelque chose qui... Sur le coup, on va aimer ou pas, mais on peut apprendre à aimer. Il y a des gens qui aimeront jamais. Mais Ford a un très, très bon produit dans le Ford Escape. Bon, ben parfait. Ça, c'est bien parce qu'avec la crise économique qu'il y a eu, il a fallu qu'ils reviennent de l'arrière et qu'ils prennent les bouchées doubles. Donc, de voir que ça porte fruit avec la Ford Focus aussi qui va très bien, qui est un bon modèle de véhicule, la Ford Escape qui évolue bien. C'est intéressant là, de voir les produits Ford. C'est ça. Puis ils s'en vont vers un look précis, le look de la nouvelle Fusion puis un peu le look de la Taurus. C'est le nouveau... que Ford va aller chercher, donc la grille, les côtés, comment les lignes fuient vers l'arrière. C'est vraiment un style qui donne à la flotte au complet. Donc, on va voir ces changements-là dans plus en plus de modèles. La seule chose que je dirais aux gens, choisissez comme il faut votre moteur, parce qu'on sait, les moteurs turbo, pour que ça roule à une manière optimale, ça prend de l'essence super. Donc oui, on économise de l'essence parce qu'on en consomme moins en utilisant des moteurs moins puissants, mais avec un turbo pour y donner plus de puissance. Sauf que si on roule sur le super, ben le super, on sait que ça coûte toujours un petit peu plus cher à acheter à la pompe. Donc faut voir si ça vaut la peine, si on dépense moins d'essence, mais ça nous coûte plus cher à l'achat pour notre essence. Au bout de la ligne, ça au-dessus la peine. C'est ça qu'il va falloir regarder, là. Mais non, Ford ont des bons produits, des bons moteurs. Puis là, il va rester à savoir si les gens vont aimer ça, puis ça va bien se vendre. Merci beaucoup, Luc, pour cette chronique. Donc, mettons qu'on devait y donner une note à ce véhicule-là de ton essai routier. Ça ressemblerait à quoi? Ben, je donne un bon... je dirais probablement un 8,5 à 9 sur 10 là, pour qualité totale. C'est un très bon produit. Je veux dire, moi, j'aime mon Escape à moi. Là, le 2010, je l'ai toujours aimé. Ça va bien. Ça porte quand même assez... un peu plus dur parce que c'est plus camion, mais ils ont vraiment pris ce qu'il y avait puis ils ont amélioré. J'ai pas eu l'occasion d'essayer le système de quatre roues motrices sur le modèle d'essai parce qu'il n'y a pas encore de neige, mais je me suis fait dire que ça a été amélioré depuis le dernier, donc même s'ils ont juste été en s'améliorant vers ça, c'est un très bon produit, donc un bon 8,5 à 9 sur 10 pour ce camion-là. Là. Parfait. Prochain véhicule que tu testes, ça sera pas la semaine prochaine, mais ça s'en vient quand même rapidement. Oui, ça va être pas la semaine prochaine, la semaine d'ensuite, ça va être le nouveau Mazda 3 Skyactiv. Donc, on va parler de l'économie d'essence parce qu'encore là, j'ai un Mazda 3 2008 à moi, puis je trouve qu'il est un peu gourmand sur l'essence. Donc, je vais voir si le système Skyactiv de Mazda fait le travail. Puis, fait qu'on va voir ce que ça donne le Skyactiv. J'ai eu un Mazda Protégé 93. Penses-tu, Luc, que je verrais une évolution? Ça devrait. Ça, c'est quand même mieux que dans ce temps-là. Mais le moteur 2.3 litres là, de Mazda dans les années 2008, c'était pas vraiment économe. À ce que j'ai regardé, là, ma consommation d'essence frôle le 9.5 à 10 litres au 100 km. Donc, c'est pas. Pour une voiture de ce taille-là, c'est un peu gourmand. À titre plus personnel, Luc, je te remercie d'avoir été là à l'émission. Je souhaite longue vie à ton nouveau projet de podcast automobile. J'ai écouté la première édition de cette semaine et vraiment fait une sacrée bonne job. Ça se prend pas au sérieux et c'est parfait ainsi. Du vrai monde qui jase de voiture, on aime ça. Donc, on invite les gens à aller vous écouter. Et comment on fait pour aller écouter ça et aussi pour te rejoindre? La manière plus simple, pour me joindre sur Twitter, @Calazormo. S'ils veulent m'écrire, luc.zormo@outlook.com. Puis la manière vraiment la plus simple de trouver tout ce qu'on fait pour le podcast auto et même les chroniques qu'on fait le jeudi matin, là, les gens peuvent aller sur le www.factorgeek.com. Puis qui regardent en haut dans l'onglet podcast, ils vont voir podcast auto, puis tout ce que je fais est présent sur le site-là. Ou sinon, tapez podcast auto sur iTunes ou mon nom, Luc Desormeaux, sur iTunes, puis ils vont trouver les podcasts aussi que je fais là. Faut vraiment forcer pour pas te trouver. Ouais, c'est ça. Si vraiment vous voulez pas me trouver, vous pouvez le faire, mais sinon, c'est assez facile à trouver. Et tranquillement, pas vite, on va lever le voile sur un projet d'émission qu'on a, toi et moi, avec Dominique Simard aussi, sur les ondes de la radio CILA et en version podcast. Ça s'en vient, j'en dis pas plus pour l'instant. On va publiciser ça en temps et lieu. Merci beaucoup, Luc. Merci, Benoît. Salut, c'était Luc Desormeaux pour le podcast automobile qui testait cette semaine le Ford Escape 2013. 8,5 sur 10, ça note, bon véhicule. Alors maintenant, dans la chronique numéro 8, on parle de Chevrolet qui pense offrir une Cruze SS, en tout cas c'est dans les rumeurs. On parle de Kia qui rafraîchit le Kia Rondo. Et puis on parle de Cadillac qui est en train de travailler sur sa propre version de la Volt, mais version coupée, donc un deux portes. Il est 7h34 minutes et on va aller rejoindre tout de suite Luc Desormeaux pour la capsule automobile sur les ondes de radio CILE. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. Capsule automobile parce que vous avez... toi et ton équipe, donc vous, hein, un regroupement. Vous avez le podcast automobile qui est commencé. À quand le deuxième épisode? On enregistre ce soir. Ah, quel timing? Ah, c'est pas pire, pas pire. Présenté quand? Ça devrait être en ligne peut-être demain, sinon probablement en fin de semaine. Là. Bon, ben parfait. On va surveiller ça. On va parler encore une fois actualité automobile ensemble ce matin. Et on débute avec Chevrolet qui pense offrir une Cruze version SS. C'est ça. On parlait à la première chronique qu'on a faite, on parlait que Chevrolet travaillait sur une SS, simplement appelée SS, qui était pour remplacer la Pontiac G8. Là, ça a l'air que le GM aimerait offrir une version SS de la très populaire le Chevrolet Cruze. Cruze qui est la petite voiture qui a remplacé justement la Chevrolet Cobalt là, à peu près deux ans, en 2010, si je me rappelle bien, là. Le problème, c'est que la Cruze, ben, elle se fait juste en modèle quatre portes. Elle se fait pas en modèle deux portes. Tandis que la Cobalt se faisait en deux et quatre portes. Mais, Chevrolet aurait le goût de probablement sortir un modèle SS de la Cruze. Il y a des rumeurs qui disent ça, c'est certains magazines américains genre Motor Trend puis Road and Track qui commencent à regarder ça, puis commencent à penser que Chevrolet pourrait offrir une Cruze SS quatre portes. Donc ils modifieraient un peu le look extérieur avec des jupes, une calandre un peu différente pour donner un look plus sport à l'auto, puis mettrait un 4 cylindres turbo compressé pour donner plus de puissance, pour donner le look sport puis la performance sport aussi. Mais il y a des rumeurs que Chevrolet pourrait faire une Cruze deux portes pour justement faire un modèle SS avec ça. Donc on attend à voir un peu comment GM va réagir. Souvent il y a des prototypes comme ça qui sont lancés dans certains magazines comme ça, puis après ça la compagnie regarde à voir l'intérêt des gens, à savoir ça se vendrait-tu bien, les gens ont-tu l'air à être intéressés à un modèle de production comme ça. Fait que probablement qu'ils sont en train de regarder comment que la populace réagit à ces rumeurs-là. C'est ce qui manquerait un peu à Chevrolet là, depuis que la Cobalt est partie. Ils ont plus de modèle deux portes pour vraiment comme attirer les jeunes un peu. La Cobalt c'est très bien vendu. Puis pour quelqu'un qui cherche une voiture usagée, une Chevrolet Cobalt bien entretenue, c'est une vraie bonne voiture usagée. Là. C'est fiable puis ça va très bien. Donc GM s'en irait probablement vers ça. Faut faire attention, par exemple, à qui avait le véhicule avant. Si c'est un jeune à palette en arrière, là, faire attention. Ouais, c'est toujours le propriétaire avant, c'est toujours important parce que ça dépend. On peut savoir comment la voiture a été conduite, puis ça a été battue ou ça a été bien entretenue, là. Dont le populaire annonce de voiture qui dit que l'auto appartenait à un curé. Mais je veux dire, quand même, c'est ça. C'est bon à savoir le propriétaire qui était là avant, mais une bonne inspection avant d'acheter une voiture usagée par votre mécanicien préféré, c'est toujours une bonne chose à faire. Ouais. Puis normalement, le garage où vous l'achetez est obligé de vous laisser faire une inspection sur l'auto si vous voulez, en autant que la distance entre la place où vous l'achetez puis votre garagiste n'est pas trop grande. Les chars de curé, hein, on connaît ça. Je vais toujours me rappeler de l'épisode de Kilomètre-Heure où est-ce qu'on croisait, on racontait l'histoire de Sylvie, là, une des membres du bureau de Michel Barrette, là, du magazine automobile, qui cherchait une voiture usagée puis qui avait croisé un véhicule de curé, puis le curé était... Son seul défaut, c'était que c'était un peu de vitesse, fait que ça annulait complètement cette rumeur-là. Ça servait à rien. Ouais, fait que je vais toujours... Vive prise 2, qui me permet de réécouter des kilomètres une fois de temps en temps. Oui, c'était bon. Ouais, sinon, on poursuit en parlant de Kia Rondo qui... on voudrait rafraîchir le modèle. Ouais, c'est ça. Au salon au Mondial de l'automobile, donc on parlait, là, je pense, c'est deux chroniques, Kia avait présenté le Kia Carenz. Le Kia Carenz, c'est la version du Rondo ailleurs dans le monde. Nous autres, au Canada et aux États-Unis, il est connu sur le nom du Rondo. Donc, on l'a ici depuis 2007, mais il existe là, sur le nom Carenz ailleurs dans le monde depuis 1999. Fait qu'en... Je veux dire, il est ici depuis 2007, il n'a jamais vraiment été rafraîchi depuis ce temps-là. Donc, c'est le temps qui met là, qui a fait une refonte complète. Donc, c'est pas juste, on change un peu le look pour attirer l'œil, là. C'est vraiment, ils ont fait une refonte complète de l'auto. Ce qui se passe avec le Rondo, ce qui est assez spécial aussi, c'est que c'est une auto que depuis 2010, ça se vend plus aux États-Unis. C'est très rare qu'on a une voiture au Canada qu'on peut pas avoir qui se vend pas aux États-Unis parce que normalement, si les Américains décident d'en nous autres, cette voiture-là, on n'en veut pas. Normalement, au Canada, on n'est pas chanceux. Notre marché n'est pas assez gros pour que la voiture soit importée. Mais Kia Canada a continué à importer quand même la Rondo au Canada. Fait que même si aux États-Unis, elle ne se vend plus, ici, on peut l'avoir encore quand même. Donc, c'est ça. Donc, le nouveau modèle devrait arriver l'année prochaine, début 2013. C'est, comme je disais, c'est une refonte complète. Elle va beaucoup ressembler, le devant, la nouvelle calandre va beaucoup ressembler à ce que la Optima ressemble maintenant, ou la nouvelle Rio, ce qu'ils appellent là, chez Kia le Tiger Nose, le nez de tigre. Donc, c'est le nouveau langage de design de Kia, qui est finalement un gars qui est venu de chez Audi, qui fait maintenant les designs pour les autos de Kia. Puis le moteur devrait être un nouveau 4 cylindres à injection directe de carburant, donc une nouvelle technologie de moteur, donc plus non plus la même motorisation que dans l'ancien Kia, on s'en va vraiment, vraiment à neuf. Puis, en passant, Kia vient de connaître son 45e mois de croissance de vente consécutif. Kia Canada. Donc, ça va très bien pour Kia au Canada. Là, ça, les voitures se vendent très bien. Mais tu sais, quand tu pars de zéro, c'est facile de grimper, là. Oui, mais pour poursuivre, pour être capable de croître pendant 45 mois consécutifs, faut que tu fasses quelque chose de bien. Oui, ça c'est vrai, faut le dire, hein. Parce que on a encore, moi en tout cas dans ma tête, Kia reste encore une, c'est presque une sous-marque, tellement que à l'époque les véhicules c'était difficile, la fiabilité, la qualité de véhicule c'était vraiment pas là. Mais on a fait un bond de géant et ça paraît dans les ventes. Oui, c'est vraiment un bond incroyable aujourd'hui. Personne devrait hésiter à aller essayer puis même acheter une Kia. Là, je veux dire, c'est aussi bon que ce qui se fait ailleurs. Là. Ça a vraiment ils ont vraiment fait un grand bond depuis les derniers 5-7 ans. Là. Ouais, le constructeur américain GM a sa division Cadillac qui habituellement se veut des qualités, des véhicules d'un petit peu plus haut de gamme. Et là, on voit un changement de mentalité avec le prix de l'essence, le développement des nouvelles technologies. Et semblerait-il que Cadillac voudrait peut-être avoir sa version de la Volt. Oui, c'est ça. C'est officiel. Le GM va commencer à produire la nouvelle Cadillac qui va s'appeler la ELR, qui va rentrer en production à la même usine que la Volt est fabriquée. Puis à cette usine-là, c'est à quelque part dans le coin de Détroit. Là. La Volt, il y a aussi la Chevrolet Volt, il y a la Holden Volt qui se vend en Australie, qui est bâtie là. Puis aussi la Opel Ampera, qui est la version Volt pour l'Europe. Fabriqué par Opel, mais c'est tout fabriqué à la même usine au Michigan. Ils vont rajouter la production de la Cadillac ELR. La Cadillac ELR, ça va être la même architecture. Donc, si vous savez comment que la Volt fonctionne, batterie, moteur à essence pour qui recharge, on avait déjà parlé, puis on va en reparler théoriquement dans environ 3 semaines, parce que je vais en avoir une entre les mains. C'est la même technologie que la Volt. La seule chose, c'est qu'ils vont faire un coupé 2 portes avec. Ça va vraiment être une voiture plus sportive, mais qui va être une voiture électrique. Puis la chose qui est quand même bien, c'est que si vous avez vu le concept Converge qui a sorti en 2009, puis était au salon de l'auto en 2010, c'est presque pareil. Ils ont presque pas modifié le concept. Donc c'est vraiment une voiture qui a l'air un peu futuriste. Est vraiment vraiment super belle. Je l'avais vu au salon de l'auto de Montréal, puis vraiment ça tapait dans l'œil. Là. C'est vraiment une belle auto. Donc c'est le fun que GM vont s'en aller vers ça. Surtout qu'un coupé 2 portes. Voiture électrique, présentement, il n'y en a pas beaucoup à part de très, très haut de gamme. Là. Donc, ça va faire du bien d'avoir quelque chose de différent qu'une voiture familiale électrique. Oui, ça sera à surveiller. Merci beaucoup, Luc. Comment on réussit à te suivre et à avoir accès à tes différents projets? Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est @scalazormo. Les gens qui voudraient m'écrire luc.desormo@outlook.com. Vous pouvez suivre tout ce que je fais finalement sur iTunes. En cherchant juste Luc Desormeaux sur iTunes, c'est plus facile. Vous allez voir la trollée de podcast que je fais. T'es tellement puis, partout. Ouais, même moi, je commence cette année de me voir puis de m'entendre. Puis si vous voulez trouver le restant de mes projets, ce qui est podcast auto, vous pouvez le trouver sur le www.factorgeek.com. Quand vous regardez dans la section podcast, vous allez voir le podcast auto. Tout ce que je fais, soit audio ou vidéo, est là. Et on a aussi un projet là qui débute lundi soir prochain sur les ondes de la radio CILA qui va être aussi transposé sous forme de podcast, donc réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Hein? Quel slogan, c'est brutal tellement c'est bon. Ça a tellement pris de temps avant qu'on trouve le titre. C'est bien ça le pire, hein? C'est si simple et c'était si long à trouver. Donc ouais. À surveiller lundi soir prochain à 19h30 sur les ondes de la radio CILA. Et aussi disponible sur Internet là, par la suite. On va distribuer ça. Donc, nouveau projet, un de plus pour Luc Desormeaux. Ben, on va avoir bien du plaisir. Bon, écoute, je te remercie et on se dit à la prochaine. Merci, bonne journée tout le monde. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ne manquez pas aussi l'émission régulière du podcast Auto, disponible sur iTunes et sur le site de Factor Geek, et les essais routiers que vous pouvez retrouver sur YouTube ou encore sur le site de Factor Geek, qui est le portail le plus simple pour trouver tout le contenu du podcast Auto. Donc là-dessus, merci encore et bonne journée.